Quand cet avion eut stoppé enfin devant le hangar, le pilote pèlerin ne bougea pas. « Eh bien, qu'attendez-vous pour descendre ?» Le pilote, occupé à quelque mystérieuse besogne, ne daigna pas répondre. Probablement, il écoutait encore tout le bruit du vol passer en lui. Enfin, il se retourna vers les chefs et les camarades et les considéra gravement, comme sa propriété. Il semblait les compter et les mesurer et les peser, et il pensait qu'il les avait bien gagnés, et aussi ce hangar de fête et ce ciment solide, et, plus loin, cette ville, avec son mouvement, ses femmes et sa chaleur. Il tenait ce peuple dans ses larges mains, comme des sujets, puisqu'il pouvait les toucher, les entendre et les insulter. Quand la voiture l'emporta vers Buenos Aires, en compagnie d'un inspecteur morne et de rivières silencieux, il devint triste. C'est beau de se tirer d'affaire et de lâcher avec santé en reprenant pied de bonnes injures. Quelle joie puissante! Mais ensuite, quand on se souvient, on doute, on ne sait de quoi. La lutte dans le cyclone, ça au moins, c'est réel, c'est franc. Mais non le visage des choses, ce visage qu'elles prennent quand elles se croient seules. Il fit un effort pour se souvenir.